Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gemozo pour l'émission de La Parole est à vous. Alors ce soir avec une invitée, Madame Christine Papelier, donc qui est directrice du foyer. Alors je ne sais jamais du CESAD. Alors peut-être nous donner un petit peu, parce que quand on a affaire à des abréviations, oui, on n'est pas on toujours. Sait pas trop. Hein, c'est le foyer de l'APF à Épinal. Mais enfin, on va s'apercevoir aussi que ça recouvre davantage. Bonsoir Christine. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invitée. Alors déjà, voilà, je suis ici. Au titre de salarié de l'APF, on va dire. Hein. Donc, et l'APF... Directrice quand même. Oui, directrice. Mais l'APF est une association nationale qui, en plus, change de nom. Hein. Donc j'en profite, elle s'appelle APF France Handicap. Hein. Donc, mais on conserve le sigle APF, Association des Paralysés de France. Mais justement, quand même. Là, aujourd'hui, la proposition, c'est qu'on ne décline plus, on ne dise plus Association des Paralysés de France. C'est à force, au fur et à mesure des années, parce que cette association, elle est très vieille aujourd'hui, elle a plus de 70 ans, hein, et on la connaît par le sigle un peu APF. Bien sûr. En ce moment, vous en attendez peut-être sur les radios nationales ou à la télévision nationale. Des petits spots, soit visuels ou auditifs. Alors, soit autour de l'appel aux dons, soit autour des problématiques de ce qu'on appelle, dans le jargon du handicap, l'accessibilité. Hein, pour rappeler à tout le monde que les personnes en situation de handicap, comme tout le monde, elles ont le droit de participer à notre société. Et voilà, l'accessibilité, c'est pas que enlever des marches. Hein. C'est fait que la personne elle soit reconnue comme être humain à part entière. Hein, et pour ça, il faut souvent contribuer tous ensemble, modifier en fait notre société. On parle aujourd'hui, alors c'est lié aussi à l'Europe. Parce que hors micro avant, la France a mis en place des grandes lois pour être en conformité avec les obligations. Qui n'ont pas été très bien appliquées, surtout pour l'accessibilité, par exemple, aux édifices publics. Voilà. Donc ça a changé en fait les manières, les représentations, les manières de voir, les dénominations. Et l'APF, du coup, la particularité, hein, si on peut dire, mais donc j'explique, on a une heure. Hein. Donc c'est une association nationale. Sa particularité, c'est d'être association nationale. Et historiquement, d'avoir été créée par des personnes qui elles-mêmes étaient en situation de handicap. Donc à l'époque, c'était des personnes atteintes de polio. Et qui, du coup, se sentaient... Les grandes épidémies de polio d'après-guerre, en particulier. Oui, voilà. Et qui se sentaient un peu exclus, puis surtout qui se disaient, mais nous, on a le pouvoir d'agir pour nous-mêmes, encore faut-il qu'on nous laisse le faire, quoi. Qui se reconnaissaient comme étant des êtres capables de négocier avec les ministères, avec le gouvernement, des changements, etc. Donc, ils ont décidé de se créer en association. Ils étaient trois à l'époque, et puis bon, très vite, voilà, ça a pris une dimension. Donc aujourd'hui, au bout de plus de 70 ans, l'APF, elle a vécu toute cette histoire-là, et elle continue en fait à être une association qu'on peut considérer comme militante, c'est-à-dire elle représente elle-même les personnes en situation de handicap. Mais d'ailleurs, c'est pas exclusif. N'importe quelle personne citoyenne peut adhérer à APF France Handicap. Il n'y a pas à justifier de quoi que ce soit. Il suffit d'être en fait d'accord sur les valeurs, qui est de contribuer par ces actions à faire que les personnes soient reconnues en France comme des citoyennes à part entière, les personnes en situation de handicap. Donc elle est nationale parce que ça sert aussi à être un peu aiguillon par rapport au gouvernement, au ministère, au Parlement, hein, les députés, les sénateurs, au fur et à mesure pour modifier nos grandes lois cadres. Et on peut dire que l'APF, à l'époque, était quand même très militante pour faire adopter cette fameuse loi de 2005 en particulier, mais avait déjà eu combien, 86. À la toute première loi, c'était du temps du ministère de Séguin. Hein, parce qu'avant, il y avait quand même des lois, mais des lois qui étaient mal appliquées, en particulier sur l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Voilà. Hein, donc, il y a eu des modifications, ça devait être 1986, si j'ai bonne mémoire. Bah, c'est autour de ça. Et puis, récemment, la loi de 2005, qui nous amenait quand même à intégrer, j'allais dire, les nations civilisées d'Europe par rapport au handicap, parce que la France avait quand même quelques retards, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, avant 86, parce qu'effectivement, 80, 86, c'est ce qui crée la GFIP, hein, ce qui crée un fonds pour permettre que les personnes en situation de handicap, elles puissent accéder au travail, au monde du travail. Donc, ça permet d'aménager des postes, ça permet d'aider au démarrage de contrats. Mm-hmm. Et le fonds, il est constitué par rapport à des employeurs qui ne respectent pas l'obligation d'emploi. Oui, donc exactement. Voilà, qui est fixé à 6% de la population. Voilà. Et ça existe toujours. Mais avant, il y avait déjà eu une loi en 75. Non, mais à la libération, après la libération, c'était même 10%. Seulement, l'énorme problème, c'était qu'il y avait une définition du handicap qui était assez vague. Première chose, hein, c'est-à-dire que par exemple, une personne qui était légèrement handicapée, par exemple, qui avait un accident de travail, qui avait perdu un doigt, pouvait rentrer dans les 10%. Et puis la plupart des entreprises, d'ailleurs, ne respectaient pas les 10%. Et la loi Séguin, qui a institué les 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés, n'a pas été forcément respectée. Et la fonction publique, les fonctions publiques, traînaient des pieds aussi pour appliquer cette loi des 6%. Préféraient payer, en ce qui concerne les entreprises privées, préféraient payer des pénalités à la GFIP qui avait été constituée, donc un organisme paritaire, sous contrôle du gouvernement, et plutôt que d'employer des personnes handicapées. Hein, alors je crois que la loi de 2005 a quand même servi un peu, à examiner un peu tous les problèmes, et puis, à relancer un petit peu cette loi de 1986 sur l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Oui, vous avez tout à fait raison. La loi 2005, elle a rappelé les obligations. En fait, notre société, elle s'est créée par rapport à la Constitution, hein, des droits universels. Donc la loi de 2005, elle s'appuie à nouveau sur les droits universels. Elle rappelle qu'en France, dans notre République, tous les êtres naissent libres et égaux en droit. Donc elle rappelle ces droits fondamentaux-là ou universels, qui est effectivement donc, le droit à l'emploi, mais au départ, la GFIP, c'était un fonds par rapport aux employeurs privés. La loi a dit mais toute personne a droit à un travail, donc elle a rendu obligatoire aussi dans la fonction publique. Avant, ça n'existait pas. Si, ça existait, mais disons que la fonction publique n'avait aucune propension. Les fonctions publiques intégraient des personnes handicapées, mais il n'y avait pas de pénalité par rapport à la fonction publique. Aux fonctions publiques, s'ils n'intégraient pas 6% des effectifs pour des personnes handicapées. Donc là, il y a instauration d'un fonds aussi. Oui. Hein. Mais alors, les grands droits ou obligations pour notre société, tout dépend comment on se place, c'est de dire, toute personne a droit à une scolarisation, a droit à une formation, a droit à avoir accès à ce qu'en fait la société met en place, donc accès aux loisirs, à la culture, etc. Hein, donc si on décline effectivement, c'est un vrai changement, parce qu'à partir de 2005, en fait, il appartient à toute communauté qui élabore un projet au service de la population, de se poser la question de rendre accessible aux personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit. Alors, en 2005, il a fallu qu'on donne une définition du handicap. D'accord ? Et donc, on s'est appuyé aussi sur, en fait, des recommandations qui existaient au niveau de l'ONU, reprises par l'Europe, et repris par des associations comme l'APF sur le fait qu'en fait, le handicap, c'est plutôt une situation du handicap. C'est pas quelque chose qui colle à la peau de la personne. Et c'est le résultat, en fait, d'un lien ou d'une interaction entre une personne, ses lésions ou déficiences, voilà, il faut dire son corps, ses lésions, ses déficiences, et l'environnement, qui fait qu'elle va se trouver, cette personne, en situation, à certains moments, à cause de ces interactions-là, en difficulté pour pouvoir agir de manière autonome, comme tout le monde. Donc, c'est pour ça que l'APF s'oblige à parler de personnes en situation de handicap. Dans la loi, on a voulu faire court, on dit personnes handicapées, alors qu'on reprend quand même la définition de l'ONU telle que je viens de vous la donner. Et du coup, elle va expliciter, elle va dire que les lésions ou déficiences, ça peut être des déficiences visuelles, déficiences auditives, des déficiences motrices, le polyhandicap, et aussi des déficiences psychiques, donc liées à des maladies. Mais en disant, attention, le handicap ne se confond pas à la déficience ou à la maladie. Il y a problème parce que c'est l'environnement qui, en plus, crée problème. Donc, en gros, si je prends le champ dans lequel je travaille, parce que l'APF, par rapport à sa naissance, hein, avec les trois personnes, au fur et à mesure des années, en plus d'être l'aiguillon, d'être un peu militante, elle s'est mise à développer des services et des établissements. Donc aujourd'hui, l'APF gère beaucoup de services et établissements en France. Et donc moi, je dirige, hein, c'est ça, donc c'est un service pour enfants. Voilà. Bien. Alors, souvent, il était répété, par exemple, à la Cotorep, enfin, dans les organismes militants, qu'une personne n'est pas handicapée, quand elle est handicapée, elle n'est pas handicapée pour tout. Hein, c'est-à-dire qu'elle a encore des possibilités, souvent importantes, mais qu'il lui faut un aménagement, par exemple, de poste de travail, il lui faut un aménagement pour sa vie, de manière à ce qu'il puisse s'épanouir et puis trouver sa place dans la société. Voilà. Et dans le champ du handicap moteur, on voit bien, si on reprend l'exemple de l'emploi, j'ai un problème aux mains. Hein, d'un seul coup, voilà, je me suis fait couper, du coup, je me retrouve avec deux ou trois doigts en moins. On voit bien que la problématique est différente déjà selon c'est quelle main. C'est main droite, je suis droitière, j'aurais plus de problèmes que si je suis gauchère et que ce sont les trois doigts de la main droite. Et par rapport au métier ou aux aspirations que j'ai ou la formation que je suis en train de faire, si je suis pianiste, il y a un vrai souci. D'accord. Par contre, voilà, il y a quand même, si on reprend ce champ culturel, il y a des artistes qui sont en situation de handicap et qui, du coup, ont déployé d'énormes capacités. Ils ont été dans l'imagination concrète, ils ont été très créatifs, c'est-à-dire ils ont dépassé leur situation de handicap. Hein, un exemple qu'on connaît là aujourd'hui qui est Grand Corps Malade, qui est en situation de handicap suite à un accident. D'ailleurs, on va s'offrir une pause musicale avec Grand Corps Malade tout à l'heure. On peut le faire maintenant. Comme vous voulez. Non, c'est trop rapide. On va continuer un petit moment quand même avant de s'accorder une pause musicale. Grand Corps Malade, il a des capacités de poésie. Le musicien, mais... Oui, au départ de et par ça. Exemple, quelqu'un qui est autiste et qui a des dons, par exemple, vous l'aidez financièrement ou enfin financièrement c'est pas tout, mais est-ce que vous l'aidez à percer ou alors ou, quelqu'un qui va être autiste qui a des dons, je sais pas, pour la musique ou les maths, est-ce que vous les orientez vers la recherche dans le cas des maths ou dans l'art, dans le cas de, je sais pas, un artiste qui peint, quelqu'un, un handicapé. Alors qui peint, voilà, exposé. Alors un enfant autiste, si on reprend ça, l'autisme est reconnu aujourd'hui comme pouvant créer des problématiques de handicap. Et vous devez entendre parler, il y a des grands plans autisme, puisqu'en France, on est quand même un peu en retard sur la prise en compte de ces problèmes-là. Donc un enfant, donc déjà là vous parlez de diagnostic, sans doute parce qu'il est diagnostiqué comme ça, sans doute parce qu'il a ce problème-là, ça lui génère des difficultés quand il est enfant pour avoir des relations avec les autres, et donc poursuivre une scolarité ordinaire. Donc la loi 2005, elle a créé des possibilités pour les parents, puisqu'il ne peut pas faire tout seul quand il est jeune, de faire appel à ce qu'on appelle la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est un service public, donc dans les Vosges. Elle est installée aujourd'hui à 2 rue Grenevaux. Elle était avant... À la Voivre, mais elle vient de déménager à Épinal, oui. Elle vient de déménager. Voilà, oui. Donc c'est un service public. Hein. Les parents qui arrivent avec et qui disent, voilà, mon enfant, il vient d'être diagnostiqué, mais j'aimerais bien qu'il soit scolarisé. Normalement, la MDPH doit entrer dans une mission d'accueil, écouter la demande, écouter le problème, et elle va proposer, on va dire, hein, puisque cette personne est diagnostiquée, donc c'est réel, et il y a un vrai projet de vie qui correspond à la demande de scolarisation, elle va proposer de monter un dossier MDPH. Donc, et donc la personne est guidée et accompagnée, hein, pour savoir comment remplir, et assez souvent, il faut exprimer soi-même son souhait, son aspiration, ce sont les parents qui font ça, et il y a un certificat médical, donc vous voyez, s'il y a des croisements entre des expertises professionnelles et l'expression spontanée du projet, de ce qu'on appelle le projet de vie. Parce que vous voyez bien, ça renvoie aussi à la notion de situation de handicap. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui fait obstacle dans ma vie ? Donc, et comme la loi 2005, elle a redit à tout le monde a droit à la scolarisation, à la MDPH, si vraiment il y a une difficulté, elle va aider à faire que du coup l'enfant puisse être scolarisé. Donc elle va prendre des décisions. Et donc notamment par rapport à ce que vous disiez, ça peut être déjà au niveau de l'école de mettre en place une aide humaine, mais ça peut être aussi orienté vers un service. Oui, c'est ça. Il y a des enfants qui savent ce qu'ils veulent faire. Oui. Qui sont. Mais il va y avoir besoin peut-être d'aide humaine constante si la personne elle a des gros problèmes de comportement. L'école en France, en fait, le problème c'est qu'il y a des grosses classes. Peut-être que dans d'autres pays, c'est plus facile, mais dans l'éducation nationale, en école maternelle, quand les enfants sont 25-30, on peut imaginer que ce soit dur pour l'équipe éducative, quoi. Et pareil, en CP, surtout qu'on a des exigences d'apprentissage, en CP, voilà, apprendre à lire, compter, etc. Et quand un enfant est agité, il n'arrive pas à se concentrer. Donc la MDPH, elle peut proposer de mettre en place ce qu'on appelle une AESH. Donc en fait, ou un AESH, donc une aide humaine, pour que cette personne arrive à cadrer l'enfant et à faire qu'il se concentre. Mais vous devez avoir quand même beaucoup de cas différents, parce qu'il y a les enfants autistes, mais il n'y a pas que les enfants, il y a les personnes plus âgées, les adultes, et il doit y avoir aussi des ados. Donc ça couvre tous les champs de la vie. D'accord. Le handicap, c'est jusqu'à... En fait, on est reconnu en situation de handicap quand on a une problématique comme ça qui arrive avant d'entrer dans l'âge personnes âgées. En France, voilà, quand on passe après un certain âge, on est pris en compte dans le champ de la dépendance et des personnes âgées. En principe, c'est l'âge de la majorité, mais donc, ça peut aller jusqu'à 21. Par rapport à la dépendance, c'est au-delà de ces 60 ans, mais il faudrait que je vérifie parce que, voilà. Et alors, je ne sais pas de quoi on parle. Après, il y a une différence à faire. Alors, on est compliqué en France, on aime bien un peu des cloisons comme ça. Aujourd'hui, dans le champ du handicap, on fait la différence entre ce qui relève de l'enfance... Et vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes âges que dans le milieu classique. C'est jusqu'à 20 ans qu'on relève de l'enfance. Et à partir de 20 ans, on relève des adultes. Mm-hmm. Et vous voyez, en France, la majorité, c'est à 18 ans. Et l'obligation scolaire, c'est jusqu'à 16 ans. On n'arrive pas à avoir les mêmes âges. Mais bon, peu importe. Donc, On est considéré à charge. On peut être considéré à charge jusqu'à 21 ans. Alors, donc, on arrive à certains... à certains paliers différents, suivant les critères qu'on veut bien se donner. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On s'accorde une pause musicale, justement. On parlait de Grand Corps Malade, je crois que Marc l'a voir parce que je ne l'ai jamais trop raconté, mais j'ai des bruits chelous dans la tête. Enfin, dans la tête, dans les oreilles, quoi. Ça fait longtemps, en fait. Ça arrive d'un seul coup, et puis ça revient assez régulièrement. Et puis c'est des bruits, comme des trucs que je connais déjà. Et du coup, c'est très bizarre, tout se mélange un peu. C'est, je sais pas comment dire, j'entends comme des... Par exemple, j'entends Brassens sur un vinyle, chanson pour l'Auvergnat. J'entends l'accent de ma grand-mère quand elle chantait Ramona. J'entends les voix de mes parents, de celles qui rassurent. J'entends ma plume sur un papier, les premières ratures. J'entends Maggie à la télé qui sonne la fin du week-end. J'entends ma mère pour me bercer qui vient chanter Göttingen. J'entends la sérénité, la quiétude et l'harmonie. J'entends mon premier texte qui parle de famille unie. J'entends ma sœur dans sa chambre qui écoutait les Cure. J'entends nos cris d'enfants quand on sortait dans la cour. J'entends la sonnerie du collège qui annonce la fin de l'heure. J'entends toujours beaucoup plus de fou rire que de pleurs. J'entends les portes du métro et la cohue de la ligne 13. J'entends l'accent des clandos qui vendent des frites merguez. J'entends les piliers de bar qui philosophent et théorisent. J'entends le clocher de la mairie qui sonne le temps des cerises. Est-ce que c'est grave, docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie. À l'ancienne et les premiers phrases hip-hop. J'entends les bombes de peinture, je voulais taguer avec mes potes. Mais j'entends leur ricanement devant mes tags pathétiques. Je suis retourné faire du sport, j'avais un art plus athlétique. J'entends des terrains en parquet, des ballons qui rebondissent, des clameurs en paquet et des semelles qui crissent. J'entends siffler les arbitres et chanter dans les vestiaires. J'entends gueuler l'entraîneur comme si le match était tiers. J'entends les vannes les plus folles sur les playgrounds de Marville. Les champions de France de Chambrette habitaient tous dans ma ville. Sur ces terrains en bitume, j'ai usé tellement de semelles. Je pouvais jouer au clair de lune et ça 7 jours par semaine. J'entends le bel accent corse chaque été loin de la grisaille. J'entends des chants polyphoniques au lever du jour à Morosaille. J'entends trinquer les mauresques et tous ces liens qui se soudent. J'entends qu'on m'appelle Fradé, j'entends Patch et Saloud. Est-ce que c'est grave, docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie. Docteur de tous ces drôles d'acouphènes. Quand ils arrivent, je les écoute, je les accueille et je les aime. Le passé ne me hante pas, mais j'oublie pas ses caprices. Je n'ai pas peur de réouvrir deux ou trois cicatrices. Ça y est, je ne crains plus tous ces beaux acouphènes. Quand ils arrivent, je les écoute, je les accueille et je les aime. Ils sont les codes de mon histoire, c'est comme un écho apaisant. Ils forment un rythme, une mélodie et ils font danser mon présent. Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne avec Madame Christine Papelier, donc directrice de CESAD d'Épinal. J'arrive à le dire. Oui, ok. Non, parce que j'avais toujours tendance à me figurer que c'était foyer de l'APF. Et puis, on voit que les structures évoluent pour satisfaire un maximum de besoins. Voilà, c'est la définition que je peux donner. Oui, et puis voilà, on va dire l'APF, au fur et à mesure de sa vie en France, a confronté aux aspirations et aux souhaits de ses adhérents. Eh bien, en fait, a mis en évidence des problèmes, des difficultés, des besoins d'accompagnement et a décidé de gérer elle-même des créations de structures qui n'existaient pas. Donc... En tout premier lieu, des foyers. Alors voilà, les foyers, voilà, c'est déjà les adultes. Un foyer de vie, donc il en existe par rapport à à différentes colorations de handicap, on va dire. Un foyer du vie accueille des personnes adultes. On parlait des âges, donc de 20 ans et plus. Voilà. Et pourquoi ? Parce que eux, en fait, c'est leur domicile. Donc c'est comme si c'était un ensemble de domiciles. Ouais. Donc faut se dire que c'est pas forcément d'ailleurs dans un établissement, voilà, avec un seul toit. Il y a des foyers, des petits appartements. Voilà, et c'est un peu la tendance, on va dire, s'adressant, vous voyez, aux adultes. Je pense que ce monde médico-social, en fait, il a innové sans cesse et il a pas fait comme les maisons de retraite. Il a pas reproduit. Oui. Il s'est dit, bah oui, pour que les personnes elles soient autonomes, pour qu'elles puissent vaquer à leur occupation, aller faire des courses si elles veulent. C'est ça l'idée. Hein, l'idée, c'est que, en fait, même si vous pouvez avoir l'impression que c'est des chambres, eh ben, chacun a sa boîte aux lettres. Chacun va... Donc, même quand c'est un établissement un peu comme, effectivement, le foyer à Épinal, qui est géré par l'APF, qui se trouve à la Voivre, donc c'est dans un immeuble à part entière, mais en même temps, dans la ville d'Épinal, il y a des appartements qui sont aussi gérés par le foyer. D'accord. C'est aussi le degré d'autonomie, voilà, des pensionnaires, on pourrait dire qui va être le critère. Mais en France, il existe aussi des foyers qui sont constitués de plein de petits appartements. Oui. Hein, d'accord. Et gérés par l'APF. C'est un peu comme les hébergements de la Roche-Piton pour les personnes... malades, qui ont des maladies mentales. Alors, il peut y en avoir... Alors, des petites chambres, des petits... Voilà, dans le champ de la maladie mentale, il existe aussi des foyers ou des appartements qui sont gérés par le milieu hospitalier. Hein, mais il y en a... En fait, il y a les deux champs, il y a des structures qui sont gérées par des professionnels, un peu comme l'APF, à part qu'ils se sont spécialisés dans la problématique psychique. Et il y a des appartements thérapeutiques sont quelquefois gérés par les structures sanitaires, et en tout cas ça suppose des alliances très fortes entre l'équipe en fait du centre hospitalier spécialisé et l'équipe médico-sociale, d'animation éducative, etc. Et ça existe, elle existe, cette alliance, ça elle existe, est forte, bien sûr. Oui, d'accord. Il y a l'AFZEA notamment sur Épinal gère des appartements comme ça, et ça ne peut se faire qu'en lien avec le centre hospitalier spécialisé. Il y a des associations comme Tremplin qui... Et en tout cas, mais même nous, même si ça paraît moins compliqué peut-être pour vous, la vie pour quelqu'un qui est en situation de handicap moteur, complètement indépendante et autonome, n'est pas forcément facile. Hein, tout dépend aussi quelle est la problématique. D'ailleurs, est-ce que cette personne, elle est née chaque avec cas ce est handicap spécifique. Voilà. Quasiment chaque cas est spécifique. Est-ce qu'elle est devenue en situation de handicap suite à un accident ? Ça change complètement tout. Qu'est-ce qu'elle arrive à faire toute seule, et on voit bien que dans le champ de la déficience motrice, vous pouvez vous dire grand corps malade, on voit bien il a une canne toujours avec lui, tel je vois bien et en fauteuil, mais il y a tout ce qui s'appelle le handicap invisible, et souvent ces personnes elles sont dépendantes pour ce qu'on appelle les actes essentiels de la vie, c'est-à-dire elles ne peuvent pas se lever toute seule, s'habiller toute seule, se laver toute seule, manger toute seule. Donc elles sont ce qu'on appelle dépendantes au quotidien d'un aidant. Donc la MDPH et la loi 2005, elle a permis d'évaluer ces besoins-là de façon assez précise et assez objective pour que ce soit un peu équitable sur tout le territoire national. C'est-à-dire, elle a mis en place les mêmes outils. Et ça s'appelle un guide d'évaluation en fait, des difficultés et des problématiques. Et vous voyez qu'on change aussi la donne par rapport à avant et par rapport peut-être à ce qui se passe pour les personnes âgées. Ce ne sont pas les professionnels qui disent ce qu'il faut pour la personne. On parle de ses aspirations et souhaits. Parce que, comme disait, chaque personne est différente, et bien oui, moi, ce que je souhaite, ce que je désire, ce que je n'arrive pas à faire, c'est quoi? Par rapport à mes envies, c'est quoi? Voilà. Est-ce que moi, ce qui m'épanouit, ce qui me fait plaisir, c'est d'aller au cinéma, c'est de faire du bricolage, c'est de chanter, c'est d'être avec des copines ou des copains dans un café? Donc on parle un peu de terre à terre comme ça, de projets formulés comme ça. Il faut se dire qu'à la MDPH, quand quelqu'un exprime dans un dossier, c'est des choses hyper concrètes comme ça. Et on voit bien qu'on ne va pas s'y prendre de la même manière si les questions en fait de reprendre une activité professionnelle pour un pianiste, ou si la personne elle formule qu'elle a envie de se déplacer en ville toute seule pour aller au cinéma et pouvoir se coucher même s'il fait tard, qu'elle est allée voir un film. Une personne, imaginez, qui a besoin d'une aide pour se mettre en pyjama et se coucher, eh ben c'est quand même pas évident, hein, quand on a 30 ans ou 40 ans, même aujourd'hui en France. Comment on fait si on veut aller au cinéma avec des copains, copines, voir le film Passion en plus, voilà, allez, qu'on va dire, hein, qui a été fait par Grand Corps Malade, où il est question de gens qui ont été accidents. Eh bien, c'est une galère pas possible. Donc on peut imaginer que cette personne, dans sa vie, elle a déjà été en lien avec la MDPH, ou justement elle est en lien avec un service, hein, où elle est au foyer. Donc on peut être au foyer et puis décider d'aller au cinéma. Oui. Il faut imaginer, vous voyez, c'est pas du tout pareil qu'une maison de retraite. Les gens peuvent vaqués à des hôpitaux. Ou ils peuvent prendre un bus du foyer parce que l'animateur les transporte et ils décident d'aller ensemble. Comment ils font? Du foyer au cinéma, c'est l'animateur qui les transporte, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui sont là jour et nuit. Et oui, mais il peut aussi être, mais tout ça se décide de façon très personnalisée dans le cadre d'un projet individualisé d'accompagnement. Le choix peut être fait ensemble et en lien avec la personne qui dit, mais moi j'aimerais bien que vous m'aidiez à résoudre le problème et je me débrouille tout seul. C'est-à-dire, je ne dépends pas d'une décision d'un groupe collectif. Est-ce que je peux y aller juste avec mon aidant, voilà, pour qu'il m'aide à aller aux toilettes s'il faut, mais finalement il faut que j'arrive à trouver la solution de transport, voilà, pour me déplacer d'un point A à d'un point B du lieu où j'habite au cinéma. Et donc aidez-moi à résoudre ça et comme ça je vous enquiquinerai pas. Donc dans un foyer il peut y avoir y compris ce projet pris à part entière et où finalement la personne elle ne va pas avec l'animateur estampillé du foyer, et voilà, elle se débrouille pour faire appel, ben allez, on va dire à un taxi, et elle a un financement dans le cas de ce qu'on appelle la prestation. Juste Michel, c'est un peu comme quand on a une dame de ménage, mais qu'on peut faire les choses et qu'elle vient nous aider à nous motiver et qu'elle fait des choses, mais qu'on fait aussi. Alors, c'est pas la dame de ménage, on va dire, c'est les personnes dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les auxiliaires de vie dans le champ du handicap. Et donc, justement, le truc, hein, où on renverse la vapeur, et c'est pas les professionnels qui font à la place, qui pensent à la place des personnes, c'est justement se poser, comme vous dites, exactement les bonnes questions. Il s'agit pas pour cette personne d'aller faire les courses, de faire à manger, de faire le menu. Tout se construit avec la personne qu'on est là pour aider, l'auxiliaire de vie. Si ça se trouve, par rapport au choix de la personne, il vaut mieux qu'elle l'accompagne dans un supermarché. Comme ça, cette personne, elle choisit ce qu'elle veut acheter, elle compose le menu et elle peut même contribuer à faire la cuisine. Si, à la limite, en amont, il a été réfléchi en dehors de cet auxiliaire de vie avec d'autres professionnels qu'on appelle par exemple ergothérapeutes, que si vraiment cette personne elle aime la cuisine, ben sa cuisine elle pouvait lui faciliter la tâche si elle était équipée de telle ou telle manière. Donc on voit bien que ça renvoie, vous voyez, à la situation du handicap et l'environnement. Il y a quelquefois à des choses d'ailleurs assez bêtes, hein, mettre les frigos, les surélever, faire que sous l'évier, sous la cuisine, sous les plaques de cuisson, ce soit vide pour qu'une personne en fauteuil puisse s'approcher ou puisse s'asseoir sur une chaise, hein, si elle n'arrive pas à rester trop longtemps. Et c'est des choses qui facilitent la vie, qui permettent vraiment... de pouvoir faire soi-même. Donc du coup, l'auxiliaire de vie, elle sera surtout là pour accompagner, faire des courses, voilà. Mmh. Hein. Et, mais je prends le champ du handicap moteur que je connais bien, mais on pourrait dire c'est la même chose pour une personne déficiente visuelle. L'aménagement aujourd'hui de la maison, on est quand même dans une société de nouvelles technologies, peut être fait pour qu'elle ait tous les repères pour pouvoir retrouver la boîte de petits pois, le beefsteak, etc. Voilà. Et pouvoir être au plus, le plus possible en autonomie. Voilà. Donc, dans le champ du... L'appartement intelligent, la maison intelligente. Donc, les MDPH sont des guichets uniques ressources pour évaluer ça et mettre en place. Alors, dans le champ de cette loi 2005, c'est ce qu'on appelle les moyens de compensation. L'auxiliaire de vie dont j'ai parlé tout à l'heure pour la personne qui pouvait aider à faire les courses, c'est un moyen de compensation aide humaine. L'auxiliaire de vie qui est à l'école par rapport à l'enfant autisme, c'est un moyen de compensation. L'aménagement de la cuisine ou de la maison, c'est un moyen de compensation. D'accord, y compris la domotique, appuyer sur une touche et faire que les volets se ferment en télécommande, c'est un moyen de compensation. D'accord. Et vous avez aussi tout l'aspect, nous sommes obligés, nous en France aujourd'hui, depuis la loi 2005, de penser que notre société elle est faite pour tout le monde. Donc au fur et à mesure, on doit rendre accessible. Alors il y a ce mot-clé, c'est-à-dire notre société, nos collectivités, nos aménagements publics doivent être faits pour que les personnes en situation de handicap se déplacent librement, le plus possible sans aide. Alors à la limite, quelquefois, il faut quand même qu'il y ait des aides, mais c'est quand même facilitant si les trottoirs ils sont faits sans ressources. Il y a aussi le problème des transports en commun. Voilà. Enfin, par exemple, les bus. Vous employez le mot accessibilité, mais c'est le mot juste, mais il est à prendre au sens large. Oui, tout à fait. Il faut qu'ils aient accès à nous, mais nous, il faut qu'on ait accès à eux aussi. Mmh. Parce que ce sont des personnes intéressantes, ce sont des personnes comme tout le monde. Donc voilà. C'est un accès, mais il faudrait que ce soit fait dans les deux sens. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle d'inclusion et de participation sociale. Être inclus dans un tout, c'est on fait partie du tout, quoi, hein, en fait. Alors, c'est un mot anglais. En France, on l'emploie au départ surtout dans les maths. Donc, moi, ça me parle parce que j'ai fait des études un peu scientifiques. Hein. Mmh. Donc, être inclus dans un ensemble, c'est appartenir à cet ensemble. Mais l'inclusion, c'est un terme anglais au départ. Donc, en France, on parle, en fait, de participation sociale au sens large, quoi. Et donc, du coup, quand on participe, on contribue aussi à modifier. C'est-à-dire, c'est reconnaître à la personne en situation de handicap sa capacité d'acteur. Je suis en situation de handicap, mais c'est pas pour ça qu'on a à parler à l'auxiliaire de vie là, qui est à côté de moi. Je dois pouvoir entendre et écouter ce que la caissière du supermarché est en train de demander. Et si vous regardez dans la vie, vous verrez quand il y a une personne, même une personne âgée, peu importe, une personne en fauteuil et quelqu'un qui l'accompagne, spontanément, le réflexe, c'est s'adresser à la personne qui est debout. Quoi. Oui. Donc, se mettre à la place, c'est aussi, on se met au niveau. Voilà, tout simplement. Et l'inclusion, c'est ça, ne pas attendre que la personne elle se lève. Mais la caissière, elle a besoin de demander quelque chose, si on paye par carte, etc. A priori, elle doit s'adresser à la personne qui est là, voilà, et pas à son aide. Donc, c'est ça l'idée de l'inclusion. Et au niveau architecture, c'est quand même faire le maximum. Alors moi, je parle beaucoup de moteur, effectivement, qui n'est pas de marche, mais aussi repérer dans une gare. C'est valable aussi pour les personnes âgées, qui ne sont pas forcément très handicapées. Hein, par... Et les parents qui ont des bébés dans un landau, dans une poussette, voilà. Ou vous-même, si à un moment donné, vous vous retrouvez en difficulté, vous avez des béquilles, ou si vous-même, vous vous retrouvez dans un lieu, on prend les grandes gares SNCF à Paris. Vous regarderez la prochaine fois, si vous allez à Paris, à la gare de l'Est. L'accessibilité de la gare de l'Est, c'est autre chose que des ascenseurs. C'est aussi des repérages visuels, hein, pour qu'une personne qui a une déficience visuelle se repère facilement pour aller trouver le métro ou aller trouver l'information. Donc vous avez aussi quelqu'un qui est un peu perdu. Donc quand on n'a pas l'habitude de voyager, on peut être un peu perdu. Ou donc c'est, on a repris le même système que pour la déficience intellectuelle. Donc on a des ce qui s'appelle des pictogrammes. Et partout en Europe, vous avez la même image pour indiquer les toilettes, pour indiquer le parking, pour indiquer un ascenseur, pour indiquer une sortie. Donc si vous le repérez à la gare de l'Est, parce que c'est vraiment là, bien équipée de ce côté-là, elle a été aménagée il n'y a pas longtemps, vous verrez qu'après, vous les reconnaîtrez, ces pictogrammes. Il a fallu quand même des années de militantisme et des associations, justement, pour que les choses évoluent. Je crois qu'il faut rendre hommage aux associations qui ont lutté pendant des années pour que, justement, l'accessibilité, que ce ne soit pas un vain mot, hein, parce que l'accessibilité, comme vous le disiez, ça comprend beaucoup de choses. On va peut-être parler, parce que là, le temps passe à toute vitesse, hein, et donc on va peut-être parler quand même du CESAD, comment que c'est organisé, etc. Voilà. Parce que là, c'était très intéressant notre conversation. Puis je crois que ça introduit directement que le fonctionnement du CESAD s'est calqué par rapport justement, justement pour permettre l'autonomie voilà. des personnes handicapées. Donc l'APF, depuis longtemps, vous avez compris, elle se battait pour que, par exemple, les enfants aient accès à la scolarité. Donc elle a contribué à faire que s'inventent en France ce qu'on appelle les CESAD, donc les services d'éducation et de soins spécialisés à domicile, avec attention. Ah, ça y en a. Le domicile, conçu au sens large, il faut se dire que le domicile, c'est tous les lieux où est l'enfant. D'accord. Donc c'est notamment le lieu de scolarisation. Ça peut être bien sûr le domicile des parents. Hein, le CESAD, ça s'adresse aux enfants. Voilà. D'accord. Tout à fait. Jusqu'à 20 ans, de 0 à 20 ans. Voilà. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a quand même cloisonné dans le champ du handicap. Un service un peu similaire au niveau adulte, ça s'appelle un SAMSA. Bon, c'est du jargon. Hein. Donc, je dirige effectivement un service qui s'adresse à des enfants. D'accord. Donc, qui vivent chez leurs parents et qui, a priori... Vous les prenez en charge à quel âge? Eh bien, ça peut être de 0 à 20 ans. Donc, on peut avoir Même des bébés peuvent être pris en charge. On peut avoir des tout petits. L'important, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision de la MDPH. Parce que nous, c'est ça, nous sommes aussi une compensation. C'est-à-dire, la MDPH, elle a décidé que par rapport aux souhaits des parents de scolarisation ou de vie en milieu ordinaire, alors il valait mieux qu'il y ait une équipe qui accompagne pour aider à la réalisation. Donc on est dans la compensation globale en vue d'une participation sociale de cet enfant. Et on est donc spécialisé dans le handicap moteur. Donc on est quand même coloré au niveau des métiers. Il y a beaucoup de rééducateurs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes. On dit plus éducateur, on dit rééducateur. Rééducateur, oui, on a le côté rééducation, donc kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien. Vous avez tout ça au CESAD d'Épinal, il y a tout ça. Et on a le côté éducation, c'est pour ça qu'on dit service d'éducation et de soins spécialisés. Les soins spécialisés, puisque un enfant... qui a un problème de développement psychomoteur, qui n'arrive pas à marcher. Hein, c'est comme ça que c'est repéré au départ, par rapport, au développement d'un enfant du même âge. Hein. Peu importe pour quelle raison. Hein. On est dans le champ du handicap, donc il y a plein de maladies, plein de diagnostics. Il y a les naissances prématurées qui peuvent générer ces conséquences-là. Peu importe, c'est un être vivant, qui aspire, comme les enfants de son âge, à parler, à bouger par lui-même, etc. Mmh. Et c'est pas parce qu'il marche pas qu'il n'a pas le droit de bouger pour aller à la découverte du monde. Mais ça commence par sa chambre, sa maison. Mmh. Donc nous sommes soins spécialisés, parce qu'il va falloir à la fois qu'on le muscle pendant toute sa croissance, pour qu'il ait quand même des muscles et qu'il puisse un peu bouger avec son corps. Comme il ne bouge pas spontanément, voilà, le risque, c'est que les muscles... Voilà, exactement. Donc, il va falloir des rééducations pour ça, mais aussi pour que lui apprenne. Oui. Hein? Ok, il arrive vers nous, il est petit, il ne marche pas, et les gens, les pédiatres, etc. Donc, il y a aussi des structures spécialisées pour repérer ça, qui s'appellent les CAMS, hein, disent effectivement, il y a un écart de développement. Hein. Il ne marche toujours pas alors qu'à cet âge-là, depuis longtemps, on marche. Donc nous, on va tout faire pour qu'on arrive à ça. Mais souvent, on ne sait pas si on va arriver au bout. Donc pendant ce temps-là, on va travailler cette question de il faut qu'il soit quand même autonome, bah, notamment dans ses déplacements. Il faut qu'il puisse, à l'école, vous savez bien ce qui se passe, il est vite question de dessiner, de faire des lettres. Donc nous, on est dans le champ du handicap moteur, donc il faut se dire que c'est tous les muscles de partout hein, qui peuvent être concernés. Ouais, les bras. Et ça peut être les bras, ça peut être aussi la faculté de mastiquer, de déglutir, hein. Ça peut être la faculté de faire fonctionner son transit, l'intestin fonctionne avec des muscles aussi. Hein. Donc vous voyez que ça peut toucher quand même beaucoup de choses, et y compris des lésions du cerveau, c'est-à-dire le cerveau, il est, en fait c'est un système avec plein de circuits électriques. Et il y a des fois, il y a des circuits qui ne se font pas bien. Donc, c'est aussi une lésion cérébrale qui est dans notre champ. Donc, en fait, on va pouvoir agir par des rééducations pour que la personne, par elle-même, elle arrive, malgré tout, à faire. Hein. Et en même temps, on va s'occuper de ses projets, ses aspirations, ses envies ou les projets de ses parents. Et on va, au fur et à mesure, mettre en place des moyens de compensation. Donc, on va à la fois agir sur le corps par la kinésithérapie, par exemple, ou la psychomotricité, pour essayer de voir si l'enfant, il n'arrive pas quand même à se mettre debout, à se hisser, à tenir et à marcher. Peut-être, mais comme pendant ce temps-là, il est à l'école maternelle, à l'école primaire, il doit pouvoir être dans la récréation, on aura mis sans doute en même temps, en parallèle, ce qu'on appelle un moyen de compensation, donc une aide technique. Donc ça peut être un déambulateur, ça peut être des attelles qui tiennent ses genoux et ses jambes, hein, ça peut être des semelles orthopédiques qui font qu'il prend mieux appui avec ses talons, et ça peut être ce que vous avez l'habitude de voir par rapport à l'APF, un fauteuil roulant. Mais après, la question est-ce que c'est un fauteuil roulant qui suppose, manuel, qui suppose que lui, il ait des capacités pour faire tourner les roues? Ou est-ce qu'il faut... Et y compris faire ses transferts par rapport à une position. Ou est-ce qu'il faut qu'il ait un fauteuil roulant électrique avec juste appuyer sur ce qu'on appelle un joystick, puis ça met en route. Et vous voyez bien, puisqu'on parle de développement de l'enfant, eh bien, il va falloir aussi qu'on soit dans l'apprentissage de l'utilisation de ces moyens-là, quels qu'ils soient. Et il y a des essais-erreurs. Parce que le médecin, il va partir avec le kiné et les parents sur une hypothèse. On va s'apercevoir que ça, que c'est pas trop satisfaisant, que ça marche pas en l'occurrence. Ou alors, on va s'apercevoir que c'est bien beau d'avoir un fauteuil roulant électrique, mais à quoi ça sert quand on habite une maison en haut de la côte et que, vous voyez, ça repose la question de l'environnement. Oui. Et peut-être qu'il faudra quand même malgré tout le fauteuil roulant électrique, mais peut-être que du coup l'ergothérapeute ou le kiné qui se déplace à domicile vont dire au médecin mais non, mais il va être enquiquiné là quand même, donc il faut trouver un autre système. Donc souvent il y a X moyens de compensation qui sont mis en place, plus de la rééducation, c'est-à-dire des professionnels experts qui agissent sur notre corps pour le muscler, le rééduquer, faire prendre des circuits électriques du cerveau autre quoi. Et donc le CESAD va considérer tous ces problèmes, faire l'analyse de la situation. Alors ce que je voudrais savoir quand même comment s'effectue le contact avec les parents, les MDPH, comment que ça se passe dans la pratique. Est-ce que les parents s'adressent à vous et puis vous constituez un dossier pour la MDPH ou c'est la MDPH qui vous adresse directement C'est la MDPH. Des personnes, des enfants qui sont en situation de handicap. Oui, c'est ça. C'est uniquement la filière MDPH. Les parents ne s'adressent pas directement à vous. Alors, s'ils s'adressent à moi, ou à des collègues du service, hein, ou par exemple, ça peut arriver, ils peuvent s'adresser à des enseignants. Moi, je vais réorienter vers la MDPH. C'est vraiment le passage obligé. Vous les aidez à constituer un dossier ? Voilà, oui, on peut le faire. Donc, on peut aussi conseiller, informer, expliquer ce qu'on fait par rapport à des parents qui sont accompagnés par ce que j'appelle le CAMS. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, les centres d'accueil médico-sociaux, CAMS. Le P, excusez-moi, je ne sais plus ce que ça veut dire ce soir, mais bon, c'est pas grave. Il y a un CAMS départemental sur les Vosges qui est géré aussi par l'APF et donc qui accompagne tout enfant qui est repéré de moins de 6 ans, hein, repéré par des professionnels ou par des parents comme ayant des problèmes. Et donc cette équipe-là est chargée relever, mettre en évidence est-ce qu'il y a une situation de handicap ou pas. Et donc c'est eux souvent qui accompagnent les parents dans la constitution du dossier et en amont ils peuvent proposer que les parents prennent rendez-vous avec quelqu'un comme moi pour que je leur explique tout simplement. Donc ils viennent y compris dans le service, ça permet déjà qu'ils repèrent et ça donne une traduction supplémentaire par rapport à ce que eux peuvent dire et après tranquillement ensemble ils rediscutent de l'opportunité de monter un dossier ou pas, parce que voilà l'important qu'il faut que vous sachiez, les dossiers MDPH ne se montent pas sans l'accord de la personne, et quand on parle d'enfants mineurs, sans la signature des parents, voire des deux parents. Hein. Du médecin de famille. Et bien sûr, il faut le médecin, mais... Il y a toute une équipe autour. On m'a fait un dossier... Y compris même quelquefois une équipe pédagogique. On m'a fait un dossier MDPH, on ne m'a pas demandé mon avis. Hein. Et bien, normalement... À l'époque, oui, c'était si, le cas. Parce que c'est vous qui signez. Aujourd'hui, c'est différent quand de même. De fait, vous avez la main. C'est vous qui êtes acteur. On m'a un peu forcé, alors. Hein, ah, je pense. D'accord. Mais on n'était pas à la même époque. Je voudrais, parce qu'il nous reste très peu de temps, que vous me décriviez un petit peu l'importance aussi bien numérique, géographique du CESAD. Alors, donc du coup, hein, le CESAD accompagne les enfants qui peuvent être domiciliés, enfin habités sur toutes les Vosges, potentiellement. C'est une compétence géographique voilà. Vosges. Donc vous parliez d'Épinal, parce qu'en fait, on va dire nos bureaux hein, sont sur Épinal, à la Voivre. Hein, mais on a aussi des bureaux à Saint-Dié, d'autres à Vittel. Et donc, on nous met à disposition donc, les collectivités, les écoles, les maisons des services publics, d'autres locaux s'il faut. Donc, on est susceptible d'intervenir vraiment sur tout le département. C'est déjà une grosse structure. Ça représente beaucoup de personnel soignant, salarié. Oui, il y a à peu près 23 personnes hein, confondues entre médecins, kinésithérapeutes, éducateurs. Il y a quand même des éducateurs, vous avez raison hein, tout à l'heure d'en parler. Mais il y a beaucoup de rééducateurs dans notre service. Oui, parce que tu as parlé de rééducateurs. Oui, mais c'est les rééducateurs kinésithérapeutes, psychomotriciens, sont exactement. Majoritaires. Mais il y a aussi des éducateurs. Il y a aussi quelqu'un professionnellement qu'on appelle conseillère sociale qui accompagne sur tous ces accès aux droits qui peuvent, qui moi je connais, mais quelqu'un qui découvre le monde du handicap et des parents, pour eux c'est quand même un monde étrange, hein, la MDPH, etc. Donc qui est spécialisé dans l'accompagnement par rapport à ces accès aux droits. Et donc on couvre potentiellement tout le département, on a un agrément pour accompagner en même temps 47 situations éparpillées. Et souvent on en a plus, on en a 50... 53. Alors, un tout petit aparté sur Andas, parce que là, on a invité à plusieurs reprises l'Institut de la Courtine, hein, qui était Andas. Qui est pas loin d'ici. Maintenant, quelles sont les relations entre APF, enfin, CESAD, Andas, si tu peux nous l'écrire un peu rapidement. cette... Bien sûr, parce que sur Remiremont, effectivement, liens, et le bassin liens. De vie, on connaît beaucoup l'IEM, la Courtine, qui est Andas. Donc Andas aujourd'hui, est une association qui s'est créée au départ, historiquement, par rapport à des parents qui avaient des enfants polyhandicapés. Donc ils ne pouvaient pas trop être scolarisés en milieu ordinaire. Le polyhandicap, c'était une problématique motrice lourde, associée à une problématique intellectuelle lourde aussi. Donc il faut dire que ce sont des personnes, enfants ou adultes, qui ont des difficultés pour assurer leur propre sécurité. D'accord ? Hein, donc en général, ces personnes, quand elles sont accueillies dans des structures médico-sociales, ce sont des établissements où elles passent beaucoup d'activités, y compris d'ailleurs des activités d'apprentissage et de scolarisation pour les enfants. Mais c'est bien plus lent que pour les autres. Il faut imaginer qui sont à apprendre, à dessiner, à nommer des choses quand ils ont encore 10 ans, 12 ans, 15 ans. Mais ça se fait quand même. Vous voyez, l'obligation, la loi 2005, toujours pareil, c'est un renversement. Pourquoi dire que cette personne polyhandicapée, elle n'a pas des capacités d'apprentissage? Ben aujourd'hui, en France, on dit, ben oui, quand même. Et, et du coup, il y a des chercheurs qui inventent des choses avec les professionnels. Donc, au départ, voilà, il y a eu cette association Andas qui s'est créée parce que les parents disaient, il y a des choses à inventer. Et de fait, ça a été nécessaire pour que ça s'invente, ça. Et aujourd'hui, Andas est dans APF France Handicap, c'est la même association. Donc, en fait, ce sont mes collègues. Voilà. Oui. Le directeur de cette structure est mon collègue de travail et les professionnels qui travaillent là sont les collègues des salariés qui travaillent avec moi. On ne fait pas tout à fait la même chose du fait du public. Public différent. Voilà, parce que légèrement là, différent. Légèrement différent, parce qu'en ce moment, nous, on accompagne des enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire, alors qu'en ce moment, à la Courtine, à Remiremont, ils ont eux-mêmes un enseignant dans leur propre structure pour activer des heures d'enseignement, mais ce n'est pas des scolarisations toute la journée. Donc c'est ça la différence, c'est au niveau de la scolarisation, au niveau de l'éveil, de ce que la personne peut faire elle-même, elle a conscience de quoi, d'accord ? Et du coup, il y a des points communs, parce qu'on est géré par l'APF aujourd'hui, par APF France Handicap. Donc moi, je rencontre les professionnels de cette structure et on a des choses au fur et à mesure à partager. Eux ont sans doute plus de matériel que nous, le CESAD. Par exemple, vous êtes proche de la montagne. Je sais qu'eux, en hiver, ils pratiquent le fauteuil ski. Et ouais. Donc, ils ont du matériel. Et nous, on n'en a pas. Donc, quelquefois, voilà, on peut mutualiser des choses comme ça. Ouais. Au sein de leur établissement, si vous connaissez, il y a ce qu'on appelle une balnéo. C'est en fait, ça permet de faire des actes de soins et de détente dans l'eau. C'est de l'eau très chaude, en plus. Eh bien, ce professionnel-là, cette directrice, c'est maintenant son adjoint, qui est présente, parce que la directrice est partie il n'y a pas longtemps. Donc il y a un intérim qui est créé, mais cet adjoint a autorisé, par rapport à la demande que moi je lui faisais, par rapport à des parents qui habitaient là, et de permettre à ses parents de venir avec leur enfant à la balnéo, oui. Quand eux ne l'utilisent pas. Donc, et tout ça, c'est facilité parce qu'on est on est la même structure, on est l'APF. Donc voilà, ok. Les échanges, on a compris à peu près comment ça fonctionnait. Ça fonctionnait malheureusement. Une heure, ça ne suffit pas, bien souvent, à expliquer tout. Il est l'heure de se quitter. Voilà, moi je suis lancée un message parce qu'on s'est rencontrés fait finalement à un repas dansant au départ par rapport à l'association de parents d'enfants qu'on accompagne. Ça s'appelle Nous aussi et ils mettent en place un appel aux dons pour aider à faire que leurs enfants et eux, familles, partent en vacances comme tout le monde. Et il ne faut pas hésiter à se servir de l'outil radio, de faire vos bandes annonces. Puisque là on n'est pas dans le domaine de la publicité, on est bien dans le domaine du social. Et c'est notre rôle de radio locale de relayer. Voilà, donc c'est pour ça que je suis venue. Et merci d'être venue, de m'avoir accepté. Voilà. Aidez-nous à réaliser le rêve de nos aux enfants, à nous aussi. Et au départ, on s'est rencontrés pour ça, parce qu'on a, on est venu partager un repas à Saint-Nabord. Voilà. Merci Christine Papelier. Eh bien, quant à nous, on souhaite une très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Une bonne semaine. Une bonne semaine, parce que il est bon. Voilà, et puis rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.